RTA, Liège, 95.6. 21. 21 Tournai 104.6. We'll be right back. Vous êtes sur Radio 21, vous écoutez notre émission techno réalisée comme d'habitude en collaboration avec le Fuse. Ainsi s'achève le set de Adam Beyer. Dans quelques instants, il sera 3h du matin et Radio Chouette prendra le relais jusque 6h30, heure à laquelle vous retrouverez toute l'équipe de 21. Bonne nuit, bon week-end et à la semaine prochaine avec un direct au Fuse et au Ouzouzland. Bonne nuit.